érotique, l'être naissant dans l'expérience, du néant à la luxuriance. Au partage des consonances bénies, je vous invite sans cérémonie, aux commentaires de nos flous et tensions, sans cesse identifiés en exposition. Je vous donne mon émotivité, exacerbée au plus haut degré. Mais peu importe l'échelle, en dehors des miroirs, à vous pareil. De complicité, chair, solitaire, et la faille, je repère. Je triture, j'exagère sur les mots, cherche à définir transi tous les mots. Je vous offre mon corps et mon âme, je ne suis rien qui est ta dame. Mais pas plus que chacun, amalgamé encore, humain. À la conscience de l'éphémère unité, je cherche le primaire du silence, pour l'éveil de la substance, qui nous libère de toute intendance.